Chambre d'amis. Sainte-Croix, septembre 2011. Et puis je veux pas vieillir comme vous, seul et sans amis. Le cri du cœur de notre adolescent, dont j'ai depuis longtemps oublié la raison, a remué bien des souvenirs, dont certains remontent à nos années dans les Alpes. Comment lui dire « Oh, si tu savais, mon chéri, le nombre de fois où nous aurions tellement voulu rester seuls et sans amis, et où cela n'a pas été possible. » Sans doute pour l'avoir fréquemment côtoyé, nous ne craignons pas la solitude. Nous l'apprécions, la revendiquons souvent, et c'est en partie pour cela que nous nous sommes installés à la Forclaz, loin des tentations de toutes sortes. Nous pensions qu'ainsi nous aurions une paire royale pour élever nos rejetons à notre idée. Même si pour l'heure nous sommes tiraillés entre notre désir de les préserver d'un système dont nous voulons nous dissocier, et notre crainte de les en isoler, les empêchant de s'y intégrer quand ils le souhaiteront. Nous rêvons notre installation à la Forclaz comme une sorte de semi-retraite, propice à l'épanouissement de notre créativité et au développement de nos valeurs. Nous avons un réel besoin de pouvoir nous concentrer en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille. Nous avons tenté de nous mettre en situation, mais c'était sans compter sur l'attraction produite par un jeune couple et deux petits-enfants sur son entourage et sur ses amis. De plus, nous devenions ceux qui pouvaient recevoir, les seuls à avoir assez de place et d'énergie pour le faire. Nous avons donc rencontré beaucoup de difficultés pour vivre ce que nous voulions vivre. Il y aurait sans doute fallu rompre tous les liens, briser toutes nos attaches, et nous n'avions pas le courage de blesser ni de décevoir. En conséquence, nous avons laissé la porte ouverte et échauffé la chambre d'amis. Très vite, elle s'est trouvée habitée, cette chambre. Nous étions là, nous étions disponibles, sur un tablard, en somme, et nous devions nous ennuyer, c'est sûr, puisque nous ne travaillions pas. Les choses se sont mises en place insidieusement, sans qu'il soit toujours possible de les remettre en question. Cela a eu pour résultat une inversion des priorités. Au lieu de commencer par réaliser nos objectifs, pour ensuite offrir notre temps excédentaire, nous nous sommes vus devoir les concrétiser pendant celui qui nous restait. Nous sommes de bonne nature, nous nous sommes adaptés, nous considérant déjà heureux de ce que nous avions, trouvant notre compte par des moyens détournés et sursoyant stoïquement pour vivre comme nous l'entendions. Mais après tout, la plupart de nos contemporains ne sont-ils pas obligés d'attendre la retraite pour commencer à exister? Jean-Paul n'est pas passéiste, il tourne la page sans aucun effort, tandis que je ne suis pas à l'abri d'une contradiction et laisse pour ma part une petite porte ouverte aux témoins de mon passé. Il me donne une sorte de justification d'existence. Je voudrais pouvoir leur montrer celle que je suis devenue. J'ai donc gardé quelques liens d'amitié. Je poursuis une correspondance plus ou moins fidèle avec certains d'entre eux, et bien sûr, tous savent qu'ils sont les bienvenus chez nous dès qu'ils le souhaiteront. Certains ont compris le message, au grand désespoir de Jeannot, qui se sent facilement envahi. Ainsi, ai-je failli revoir mon ami Jean Lorge, de passage dans la région pour une nuit. Un être magnifique. C'est lui qui m'avait fait comprendre que mes principes valaient religion, et que je n'avais pas besoin de fréquenter les bancs d'église pour être une bonne chrétienne. Il avait traversé la moitié de la France pour baptiser mon premier fils, et quelques mois plus tard généreusement offert une messe privée à l'occasion de son décès. Comment l'oublier? Après 20 ans de correspondance, un message sur notre répondeur téléphonique, suivi d'un faire-part de décès. « Bonne route, Jean. » Mon ami Jacques Chabazian, personnage extraordinaire pour qui j'ai travaillé longtemps, a bravé une tempête de neige pour monter à la Forclaz. Lui m'avait fait comprendre la signification de l'amour divin inconditionnel en ponctuant de 2 mots, je sais, une confession que je lui avais faite me montrant ainsi qu'on pouvait aimer une personne tout en étant lucide sur ses failles. Paul et Lynn m'ont pratiquement sauvé la vie à une époque terrible de mon histoire. Paul est écrivain, Lynn est peintre. Je leur dois d'avoir osé développer mon petit talent d'écriture. Merci. Quand Thomas a 2 ans, j'ose reprendre contact avec mon père biologique. Du coup, ma mère se brouille avec moi. Protégeant son père, Fabienne, ma demi-sœur, vient en éclaireuse vérifier si mes intentions sont pures. Je suppose que son rapport a été bon puisque papa arrive quelques semaines plus tard avec son adorable épouse. Notre conversation retrouve la même proximité qu'autrefois. Tous deux font la connaissance de la maisonnée et trouvent leurs petits-enfants très bien élevés. Il faut dire qu'ils sont jeunes encore et dorment la plupart du temps. D'autres amis ont eu l'occasion de passer plus de 24 heures avec nous. Comme Joyce, l'amie américaine qui m'a appris à allonger mon premier bébé alors que je me sentais bien seule à 5000 km de ma famille. Son mari Dick et elle sont venus 15 jours chez nous en vacances. Je me transforme en interprète. Jean-Paul, qui pourtant a traduit tout un livre de John Ruskin, est trop timide pour se lancer, mais il sait écouter. Tous ensemble, nous faisons de belles promenades à pied, en train et même en bateau. Pour soigner le mal des transports de notre ami, Jeannot découvre le gingembre dont il fait des décoctions. Nous cueillons de la reine des prés du côté de vers l'église, du millepertuis, du serpolet et de la menthe poivrée dans les chemins environnants. Parfois, travail oblige, c'est Jeannot qui les accompagne, tandis que je bosse à la maison. Thomas, qui vient de découvrir qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour allumer ou éteindre la lumière, a actionné le commutateur général de mon bureau. Phew ! 80 pages, non sauvegardées, s'envolent. À refaire ! Nos amis repartiront avec quelques kilos pris à déguster nos spécialités régionales. Pâté vaudois, rosti, croustade, fondu, haricots secs et saucissons. Chaque année, le 22 juillet, l'anniversaire de Charlotte est l'occasion de fêter la mi-été avec une partie de notre grande famille. Tartes, pis saladières, tomes et pains frais, pâtés divers de porc, de lapin ou de mauve, ortie, bistorte, lardon. Poulet froid, glace à la spirule, eau sur eau, à la reine des prés, le buffet regorge de bonnes choses que nous savourons pendant que ma fille ouvre ses cadeaux. Elle est toujours démesurément gâtée par ses tantes, sa marraine, mon frère et tous les autres. Mais pas en même temps, hélas. Du coup, elle cumule les anniversaires. Nous avons bien essayé de contourner ces inconvénients typiques des familles recomposées en imposant un seul jour pour l'anniversaire et une seule distribution de cadeaux pour Noël, si possible le premier de l'an, le jour des étrennes, afin de dissocier la célébration religieuse de l'anniversaire de Thomas, qui, né le 23 décembre, est systématiquement oublié ou presque. Rien à faire, personne ne respecte notre vœu. Résultat, au bout d'un moment, les enfants accueillent tous les visiteurs en réclamant d'emblée leurs cadeaux et se montrent vite blasés. Les fêtes se suivent sans se ressembler. Les frères de Jean-Paul se marient, Paolo avec Fabienne du côté de Genève, Michel avec Karina à Montet, le cousin Jacques avec Lily à Rolle, mon frère Léonard avec Patricia à Lausanne. Autant d'événements auxquels nous sommes conviés, autant d'occasions de retrouver les familles et de se mettre à jour avec les destinées des uns et des autres. Un de nos plus jolis souvenirs restera toutefois la célébration des 70 ans de Paul, notre patriarche, le père de mon mari. Elle a lieu dans l'ancien collège de la Forclaz qu'il est possible de louer. C'est une bâtisse tout en pavillon, pourvue de plusieurs dortoirs et d'une cuisine professionnelle. Nous recevons 40 personnes sur 2 jours. Ils sont venus de toute la Suisse, d'Alsace et même d'Italie. La fête a été tenue secrète et la surprise a été totale. Côté cuisine, nous avons tout fait nous-mêmes, ou presque. Les fondues et les desserts pour le premier soir, la tresse briochée et les confitures maison pour le petit déjeuner, le pâté de caille en croûte et sa gelée, celle qu'on a mis une nuit à faire prendre, ont bien meublé l'apéro, suivi d'une choucroute garnie royale et d'un gâteau au chocolat. N'oublions pas la famille proche. Mère, belle-mère, beaux-parents, frères, cousins, cousines qui aiment venir se faire dorloter le temps d'un week-end ou 3 jours par mois, ou encore pour des vacances plus substantielles entre les fêtes de Noël, que bien sûr nous fêtons chez nous, ou celles de Pâques, pour lesquelles nous louons le four à pain. On peut y cuisiner au feu de bois dans un immense chaudron en fonte, comme dans l'ancien temps. Quelle expérience savoureuse! Tu vois, Thomas, qu'au bout du compte, nous n'avons pas souvent été seuls et sans amis.